Feta, la fête de la musique, Speta. Le plus attendu comme Nas et Meta. PD monté aussi haut que son pétard. Méga NASA, je crois que t'es dans la merde. Ils commentent tous la vie de mon big pool. Froid, me bavard, la gueule d'un pitbull. Ils commentent ma vie, rien que ça me saoule. Instru virtuel, virtueuse comme Facebook. J'rappe quand la paix, y'a pas c'est nada. Smatcher la dalle de Raphaël Nadal. J'ai l'intelligence d'un scientifique nocif. C'est pas la vie ce qu'ils disent, c'est pire qu'un film. J'aurais géré telle ou telle gonzesse. Aurait mis plus d'une meuf en grossesse. Mais qu'ils se mêlent de leur mère et de leur putain gros sexe. Je vais les crosser, lâcher du sang. Pourquoi les calculer, je perds mon temps. Je dois traverser, l'avenir m'attend. Je suis l'avenir guidé par le vent. Je vais les crosser dans mon camp. Trop de haineux à mon dépend. J'accélère, les MC sont trop lents. M'arrêter, concurrent trop marrant. Jamais je me confie, pas besoin d'une thérapie. T'es encore petit, me confie à Yarpi. Dans la rue, la confiance, c'est la sombrie. Et petit à petit, les amis deviennent zarbis. Ils parlent frérot, hein, qu'ils ont mal. Petit mal, pas du genre à me confier aux professionnels. Pour les vendeurs de trash, Gucci et cash. Pour ceux qui assument, qui jamais ne se cachent. Pour les intégristes, porteurs de colis. Port sodomi, regarde-moi, je perds torticolis. Les histoires tragiques toujours se renouvellent. Ne la traite pas de pute si tu te loues d'elle. Auditeur poussif, Facebook sur le pouce. C'est du rap, rap qui pousse, pas pour les poufs. Tu trouveras un bon rappeur sur tous. Nas, c'est la M du futur, cousse. Je vais les crosser, lâcher du sang. Pourquoi les calculer, je perds mon temps. Je dois traverser, l'avenir m'attend. Je suis l'avenir guidé par le vent. Je vais les crosser dans mon camp. Trop de haineux à mon dépend. J'accélère, les MC sont trop lents. M'arrêter, concurrent trop marrant. Le drapeau est rouge pour une étoile verte. La beauté éclatante et le sourire qui est offert. Les Marocains, les Marocaines, on est fiers. Les Algériens, Merlich, on vous a mis 4-0. Les Marocains brillent comme des étoiles. À taille, les sœurs, elles mettent le voile. C'est chaleur, danse orientale garantie. Chez nous, pas de schlager, frappeur comme El Arabi. Chez nous, c'est Marrakech, Casa, Agadir. Sur la beauté de mon bled, y'a rien à en dire. Tous unis derrière un pays, même si on l'attaque. Marocain est fier de l'être, Mario, Marwan, Chamac. Les Marocains sont frais, j'ai un cousin. À peine passé à la frontière, on s'en frotte les mains. Les Marocains sont la lumière du jour. Et Dieu au Fennec, le NA2 leur passe le bonjour. J'ai pas fini mon couplet. Il me reste encore du texte. Malish. Je vais les crosser, lâcher du sang. Pourquoi les calculer, je perds mon temps. Je dois traverser, l'avenir m'attend. Je suis l'avenir guidé par le vent. Je vais les crosser dans mon camp. Trop de haineux à mon dépend. J'accélère, les MC sont trop lents. M'arrêter, concurrent trop marrant.